Et je vais demander à Isabelle si elle veut nous conduire dans un moment de prière. OK. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que tu es tellement merveilleux, tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es tellement miséricordieux, gracieux. Seigneur, nous qui étions rebelles à toi, Seigneur, tu nous as délivrés de notre rébellion, tu nous as pardonnés et on veut te rendre grâce, Seigneur, et on te prie, Seigneur, qu'on puisse continuer à bien comprendre ce que tu veux nous faire comprendre ce soir et dans les semaines à venir, Seigneur. Merci pour François qui nous enseigne, puis merci pour chacun que tu as choisi, que tu as élu et qu'on peut ensemble étudier ta parole. Amen. Amen. Donc, on va commencer notre épître aux Romains. On se souvient que Paul écrit à une église qui semble être majoritairement païenne, mais aussi avec des Juifs. Donc, il y a les deux, et si vous lisez les Actes des apôtres, et si vous lisez souvent les épîtres en général, vous allez voir qu'il y a un conflit perpétuel ou constant entre les païens et les Juifs. Et les Actes des apôtres nous montrent à quel point l'Esprit a été à l'œuvre pour emmener ensemble les différents groupes, les disciples de Jean, les païens avec Corneille, les Juifs et les... il y avait un autre. Les Juifs, les païens, les disciples de Jean et les païens. Tout ça ensemble pour faire une église. Parce que notre tendance humaine, c'est on s'en va chacun dans notre petit coin avec notre petite gang. Hein? Il y aurait eu à avoir une église juive, puis une église palestinienne, puis une église païenne, puis une église... Il y aurait eu différents... Ah, une église avec les Samaritains. C'est l'autre groupe que je cherchais. Juifs, Samaritains, païens et les disciples de Jean. Mais il veut faire une église. Christ a un corps. Que ce soit de toutes les races, de tous les temps, il y a un corps. Et on a tendance à vouloir amputer le corps. Je ne sais pas quoi que je pourrais dire ça, mais on a tendance à vouloir faire cela. Donc, dans l'Épître aux Romains, ce n'est pas exceptionnel de voir qu'il y a un conflit. C'est pour ça qu'on va le voir à partir du chapitre 12, de Paul qui essaie d'unifier les croyants juifs et païens. Donc, il va parler de leur fête, de la façon de manger, tout ça. Donc, il dit, le royaume de Dieu, c'est plus que le manger et le boire. C'est plus que des fêtes. C'est plus qu'une race. C'est le peuple de Dieu. On a vu que Paul écrit à cette église-là et veut partager avec eux autres l'Évangile. Un Évangile universel qui va être pour les Juifs et pour les païens. La même. Il n'y a pas un Évangile pour les païens puis un Évangile pour les Juifs. Donc, il l'a déjà mentionné au verset 16, si je ne me trompe pas. Je crois la puissance de l'Évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du païen. Et dans le chapitre 2, si vous l'avez lu cette semaine, deux fois il va dire juif premièrement et païen. Donc il veut emmener tout ce monde-là ensemble et former un corps. Donc il faut faire attention de ne pas diviser le corps de Christ sur les races, sur les langues. Oui, je suis certain que je ne vais pas me réunir avec une gang de Russes qui connaissent pas ma langue, c'est sûr que ça ne marchera pas là. Mais on ne va pas se diviser en pensant que les Russes sont spéciaux, les Québécois sont spéciaux. On est tous un corps ensemble. Et on a commencé dans le chapitre 1 à voir que la colère de Dieu se lève contre toute impiété et injustice des hommes. Là, il l'a mis général. Universel, je pourrais dire. Il englobe tous les êtres humains. Donc, je crois que ça a commencé avant l'arrivée de la loi. Okay? Ça a commencé avant cela. Parce qu'il englobe la réaction de l'être humain qui a péché, c'est de s'éloigner de Dieu, se faire des idoles, et corrompre l'image de Dieu en se faisant des dieux humains ou reptile ou peu importe, quadrupède, tout ce que tu voudras, l'être humain a corrompu l'image incorruptible de Dieu. Donc, c'est l'être humain dans son ensemble. Et on a vu que Dieu a livré l'être humain à sa folie. Mais j'imagine les Juifs dans l'Église, ouais, mais nous, là, on est des Juifs, on a la loi, là. Ouais, on est déjà été comme eux autres, mais là, depuis des siècles, on a la loi, là. Et où, là, ça, il me semble que je les entends. Tu sais, on leur dit, hey. C'est pas spécial. J'ai vu ici au Québec, dans ma vie chrétienne, des gens, quand on parle, ouais, mais moi, j'ai toujours été catholique, j'ai toujours été croyant, là. Mm-hmm. Donc, on soulève le point, ouais, mais moi, je suis pas comme aussi pire que ces gens-là, là, les petits mouk-mouks dans le fond de l'Amazonie, là. Je suis pas comme eux autres, moi, là. J'adorais pas un poteau, là. J'ai toujours cru en Dieu, moi, là. Et moi, ça, c'est la réaction humaine de celui qui se fait dire Dieu a livré au péché l'être humain, les idoles, les idolâtres. Ouais, ben, moi, j'ai jamais été un idolâtre. Il va dire tout à l'heure aux Juifs, vous commettez des sacrilèges. Sacrilège veut dire, vous avez fait de l'idolâtrie, vous autres aussi. Okay? Donc, vous êtes éloignés de l'adoration pure et dure que je vous avais donnée en tant qu'être humain. Donc, et dans ce deuxième chapitre, on va commencer, il va s'adresser surtout à ce côté religieux des Juifs. Parce que là, il parle aux Juifs et aux païens. Donc, il va s'adresser surtout, et nous autres, on pourrait l'appliquer assez facilement à ces gens qui sont autour de nous, qui sont très religieux. Okay? Qui lèveraient la main et disaient, « Ouais, mais moi, je n'ai jamais adoré d'autres dieux. » Je me souviens toujours de mon père, « Ouais, François, ouais. » Mais moi, j'ai toujours été catholique, j'ai toujours cru en Dieu. Je n'ai jamais été un païen, là. J'ai jamais été un méchant comme eux autres, là. Donc, et là, Paul va prendre ces Juifs-là et ces religieux-là, puis il va leur dire, vous n'êtes pas mieux que les païens. Donc, vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas pire, mais vous n'êtes pas mieux. Et ça va être important pour nous autres de le comprendre. Pour nous autres, on va être plutôt du côté des païens que du côté des Juifs pratiquant de la loi. OK? Parce que les Juifs, quand Paul écrit, lui, un pharisien né de pharisien, ben, il va s'identifier facilement avec ces gens-là et avec la masse de Juifs. Okay? Probablement qu'il y avait des Juifs pratiquants des lèvres, mais loin du corps. Il y avait probablement des Juifs qui étaient pratiquants aussi du corps, dans le sens qu'ils croyaient fermement à ce qu'ils croyaient. Mais la plupart des Juifs, au temps de Paul, ce que je sais, ce que j'ai lu, ils croient fermement qu'ils sont à part des autres à cause qu'ils sont juifs. Qu'ils soient très pratiquants ou moins pratiquants, un peu pratiquants des lèvres seulement, mais ils croient qu'ils sont à part des païens du fait qu'ils sont juifs et qu'ils ont été choisis comme peuple par Dieu dans l'Ancien Testament. Et Paul, dans le chapitre 2, va leur couper les jambes, nous en voulant dire, ça ne vous rend pas spécial. Mm-hmm. Il faut bien voir le chapitre 2. Dans l'ensemble des trois premiers chapitres, il essaie de convaincre l'Église, les gens qui écrit, de l'universalité du péché. Mm-hmm. L'intention de ne pas appliquer ça à nous en tant que croyants, mais en tant que Paul veut démontrer à tout le monde qu'ils sont sous le péché. Il va finir en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés, tout le monde mérite la mort, tout le monde sont pareils. Puis quand vous vous souvenez qu'on avait vu au chapitre 1, on se posait la question quand Paul il parlait, puis il dit « nous ». Vous vous souvenez dans les premiers versets, il disait « nous », on s'était posé la question, il parle-tu de nous les apôtres, nous? Mais c'est nous, je crois, les Juifs. Mm-hmm. Il va arriver au chapitre 3, il va dire « sommes-nous plus excellents? » Il va dire « non, quand nous avons déjà prouvé que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. » Donc, le « nous », c'est vraiment « nous, les Juifs ». Donc, il y avait ce dilemme. Paul, il va dire, on n'est pas différent. J'ai déjà prouvé que païens et Juifs, on est sous l'empire du péché. les deux groupes. OK? Donc, dans notre chapitre 2, l'apôtre Paul a terminé en disant « Vous avez été livrés à vos sens éprouvés, à vos passions infâmes. Vous avez été livrés à votre impureté, à vos passions infâmes, à votre sens éprouvé. » Et là, il va dire « Ô homme, qui que tu sois, moi qui juge. » Oh, je ne sais pas pour vous autres, mais là, on embarque dans le décor assez vite, toute la gang. Mais ça va être le mot « juge », ça va être surtout, je crois, les religieux et les juifs. OK? Surtout les juifs et les religieux. « Toi qui juges les autres. » Et là, on va embarquer là-dedans. OK? Et on va lire les premiers versets. On va lire... voici jusqu'à 1 à 3. Tiens. Isabelle, veux-tu commencer? OK. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? OK, donc, ici, il s'adresse à ceux qui jugent. Toi qui juges, toi qui, au verset 2, nous savons en effet le jugement de Dieu sûr. Le « nous », là, ça pourrait inclure surtout les Juifs, je dirais en partie. Nous savons que Dieu condamne ces choses-là parce qu'on l'a dans la loi. Hein? On l'a dans la loi et on le sait ça. On sait que Dieu condamne. On avait vu au chapitre 1 qu'on avait que Dieu, nous savons que Dieu déclare digne de mort ceux qui font de telles choses, là, d'une façon générale. Et ici, il parle, tu juges. Dans l'instant du chapitre, on voit qu'il parle surtout des Juifs ou des gens religieux. Nous savons que, mettons, c'est mal mentir. Nous savons qu'on ne doit pas être des idolâtres. Nous savons que, et nous savons que Dieu condamne ces choses-là. On le sait. Donc, il dit, là, il va donner un principe de base. Si tu juges et tu condamnes, automatiquement, tu te condamnes toi-même. Mm-hmm. Et quelle est donc la raison? Parce que tu fais la même chose. Parce qu'on fait la même chose que ceux qu'on condamne. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ouais. Avez-vous déjà condamné des gens pour quelque chose que vous faisiez? On n'en vient pas d'idée, là, mais... Oui, bien, tout simplement, moi, je me suis fait mettre... ma fille me dit ça jusqu'à un certain point. Comment je dirais ça? Je dis aux autres de ne pas juger. Mm-hmm. Et il paraît que je le fais. OK. Bon. Je crois que je le sais. Là, nos enfants sont souvent les premiers à avoir notre duplicité jusqu'à un certain point parce qu'ils vivent avec nous. Hein, notre conjoint aussi, bien entendu. Parce qu'on va dire des choses puis nos enfants vont réaliser qu'on ne le fait pas. Mais ici, quand il dit « on juge les autres », là, il dit « tu ne te condamnes pas toi-même ». Est-ce que ça va plus loin que juste de dire « tu fais des péchés que je fais » Ça va-tu plus loin que ça quand il dit « toi qui juges les autres », est-ce qu'il parle juste de jugement dans le sens de… Ben, comme tu as dit, Patrick, mettons, là, je ne devrais pas parler en mal des autres, je juge les autres. Puis, dans le fond, je le fais moi-même. Ou, comme mon père, tu ne devrais pas être malhonnête, mais je m'aperçois que tu es malhonnête. Ou, tu ne devrais pas compter de menterie, puis on s'aperçoit que la personne qui nous dit, nous en a compté quelques-unes. C'est tout ça qui parle? Tu condamnes leur action? Ou bien, si ça va plus loin que ça, c'est-tu, quand il dit au verset 2, là, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. C'est quoi le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses? J'essaie de voir, c'est-tu juste le... parce qu'au verset 3, comme Isabelle l'a lu, « Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et que, qui les fait, tu échapperas au jugement de Dieu. Mm-hmm. » Mais les, si ta question, c'est quoi les telles choses? Ben, les versets précédents en parlent, au chapitre 1. Oui, OK. Donc, au chapitre 1, il en a parlé, parce que tu fais bien de le mentionner, Patrick. Il y a une continuité vers le verset, le chapitre 2, mais ici, ce n'est pas juste déclarer mal ce que tu fais, mais tu déclares que tu es sous le jugement de Dieu. Mm-hmm. Je te déclare contre Dieu ou sous le jugement de Dieu. Ça ne fait pas juste dire ce que tu viens de faire, c'est péché. Parce que dans le chapitre 1, ils sont sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. Donc, ça va plus loin. C'est comme si tu condamnerais les gens. Nous, on dirait en québécois, à l'enfer ou au jugement de Dieu. Tu sais que tu es sous le jugement de Dieu, mais tu l'es fait. Donc, je crois que ça va juste, ça va un peu plus loin. Okay. Comme si moi, je dirais, les témoins de Jéhovah s'en vont tous en enfer parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Quand je m'aperçois que je fais peut-être la même chose que les témoins de Jéhovah. Okay? Donc, l'exemple, je condamne à la perdition. Mm-hmm. Mais dans le fond, si je regarde ma propre vie, je fais la même chose. Donc, tu ne condamnes pas juste l'action, tu condamnes à la perdition. Ça va un petit peu plus loin, je pense. Parce qu'il semble parler, tu penses-tu que tu vas échapper au jugement de Dieu? Toi qui condamnes les gens qui font de telles choses. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus loin que juste dire... tu fais un péché, puis je fais le même. C'est vrai aussi qu'on le fait, là. Mais je pense que Paul veut nous emmener plus loin que ça, parce qu'il veut nous mettre tous sous la condamnation de Dieu pour qu'on sente le besoin de la rédemption en Jésus-Christ, au chapitre 3. Donc, il ne fait pas juste nous dire, tu passes pour un petit gars moral, mais tu n'es pas vraiment plus moral que les autres. Tu sais, c'est pas ça qu'il veut qu'on réalise. Il veut que le juif que réalise que le juif pratiquant de la loi et le païen, mais vous êtes tous les deux condamnés. Vous êtes sous l'empire du péché. C'est pour ça qu'il dit qui que tu sois. Oui, c'est ça. Donc, automatiquement, il va emmener. Il veut emmener que les gens qui sont religieux, puis on a l'impression, c'est pas pour vous autres, on peut partager là-dessus. Est-ce que les gens religieux ont tendance à plus juger et condamner les gens que les gens non religieux? Les gens religieux et les juifs, comme on a dans notre contexte, avaient l'impression qu'ils étaient corrects parce qu'ils étaient religieux et qu'il y avait la loi. Et même mieux. Hein? Même mieux. Oui, puis ils condamnaient les païens. Okay, vous vous souvenez de l'attitude de Jonas avec les Ninivites? Hein? Pourquoi j'irais parler de toi à ces païens? C'est pourquoi j'irais dire à ces païens de se repentir? Non, ils ne méritent pas ça, eux autres-là. Là. Donc, ils condamnaient les Ninivites à la jugement de Dieu sans aucun remords de conscience, comme je dirais en québécois. Ça semblait lui faire absolument rien, que les Ninivites ont tout crevé. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il est en train de leur dire « Ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, penses-tu que tu vas, toi, échapper au jugement de Dieu? » La tendance, ceux qui proclament ont tendance à penser qu'ils vont être corrects juste parce qu'ils connaissent, qu'ils savent et qu'ils proclament. Ils ont tendance à croire ça. C'est ce qu'il nous dit ici. Tu juges parce que tu sais qu'est-ce qui est bien et mal. Tu le sais. Et tu condamnes ceux qui ne le font pas. Mais à cause que tu le sais et que tu le dis, tu penses que tu vas être correct, même si tu ne le mets pas en pratique toi-même. Donc, il y a une espèce de fausse sécurité à penser qu'on est correct avec Dieu à cause qu'on le sait. OK? Et ce serait... Paul, il dit, tu te trompes, là. Tu te trompes, ça ne peut pas être de même. OK? Tu es, toi aussi, sous le jugement de Dieu parce que tu sais qu'est-ce qui est mal. Tu le dis aux autres qu'est-ce qui n'est pas correct, qui sont sous le jugement de Dieu, mais toi-même, tu ne le fais même pas. Mmh. Ensuite, tu vas échapper au jugement de Dieu. Et là, ça arrive, c'est là qu'arrive le verset 4. Patrick, veux-tu le lire? Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, de sa longanimité? Vous savez ce que le mot longanimité veut dire? Je m'en souviens peu. C'est la capacité de Dieu de retenir le jugement. C'est pareil comme si l'épée de Damoclès est au-dessus de la tête des pécheurs et Dieu retient l'épée pour qu'elle tombe. C'est la longanimité, la longueur, hein, la longueur de la patience de Dieu. Dieu retient son jugement. Donc, c'est toi qui parles de ça, pas juste de patience dans le sens qui est patient, mais patient aussi à retenir le jugement. Tu mériterais tout de suite la condamnation. Tu mériterais tout de suite le jugement de Dieu. Donc, il dit, au lieu de voir et de réjouir de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, tu méprises cela. En agissant ici. En agissant de cette façon-là, là, tu méprises. Au lieu de dire, je mérite aussi la condamnation et le jugement, je remercie Dieu de sa patience, de sa longanimité, de sa bonté, et ça me pousse à la repentance. C'est ça qu'il dit, la bonté de Dieu ne te pousse-t-il pas à la repentance? Cette patience de Dieu, cette longanimité de Dieu devrait te dire, je devrais me repentir au lieu de condamner les autres et de penser que moi, je vais passer au côté. Donc, le fait de le savoir que tu es condamné, tu es sous le jugement de Dieu et que tu ne tombes pas mort à terre tout de suite, tu n'es pas condamné tout de suite, ça devrait te pousser à la repentance et dire, je vais, moi aussi, je ne vais pas juste le dire, je vais le faire. Je vais le mettre en pratique. Je vais m'éloigner de ce qu'on a parlé au chapitre 1 et je vais revenir à Dieu. Je vais vivre pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc, ceux qui savent que Dieu condamne ceux qui sont contre lui devraient être reconnaissants que Dieu est patient. Hein, on va le dire, des fois, je suis content que Dieu ait patienté pendant 26 ans pour moi ou pendant 40 ans pour l'autre qui s'est converti à 40 ans ou à 80 ans pour celui qui s'est converti à 80 ans. Dieu m'a laissé, était patient, était longanime envers moi et j'ai été sauvé à 80 ans. Donc, sa bonté, j'en abuse. Au lieu de me repentir, avez-vous déjà remarqué des gens qui vont dire « ça doit être correct ce qu'on fait parce que tu sais, Dieu ne fait rien. Dieu n'agit pas. Hein? » On voit dans Pierre bah, « Dieu a dit oui, mais depuis que les pères sont venus, il n'y a rien qui change. Là. Tu sais, Dieu nous laisse faire. Là. Tu sais, il n'agit pas. » Un peu comme un parent qui avertit, mais qui ne fera jamais rien. Ouais. L'enfant abuserait de la patience, abuserait du père ou de la mère qui cherche à parler avec l'enfant. Il abuserait que le père ou la mère font rien. Et c'est un petit peu ce que Paul est en train de vouloir dire ici. Au lieu de vous repentir, vous restez dans le... Vous savez, vous condamnez, mais vous ne faites rien. Au lieu de vous repentir. Donc, c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Donc, la bonté de Dieu devrait pousser les gens à la repentance. OK? Au verset 5, Daniel, on peut lire 5, 6... ouais, 5, 6, mettons, là. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ici, il dit, par ton endurcissement à ne pas te repentir, devant la bonté de Dieu, devant la patience de Dieu, devant la longanimité de Dieu, tu t'endurcis au lieu de te repentir, mais tout ce que tu fais, c'est d'amasser un trésor de colère. Je ne crois pas que la colère de Dieu augmente, dans le sens que tu vas en subir plus. Mm-hmm. Je crois qu'au jour de la colère de Dieu, tous les êtres humains vont boire jusqu'à la lie. Okay? Je crois que, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Dieu a des petits subressauts de colère sur la, présentement. Il manifeste son... qui n'est pas d'accord par des jugements partiels, on peut dire, comme Noé, le Sodome et Gomorre, la mort de chacun. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est une preuve que le jugement de Dieu est vrai et il est encore là parce que les pécheurs meurent. Donc, il dit plutôt de voir que Dieu te laisse du temps, hein, tu endurcis ton cœur. Tu restes dans cet état-là et donc tu amasses la colère pour la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc, il parle de la fin. Okay? Il parle, tu t'en amasses présentement et à la fin, tu vas subir le jugement total, complet de la colère de Dieu. Si tu restes dans cet état-là, bien sûr. Donc, oui, Daniel? Par ton cœur impénitent, c'est la même chose qu'il ne veut pas se repentir. Oui, c'est ça. Le mot impénitent, c'est toujours le mot impie, contraire à l'impiété. Au lieu de revenir à la piété, être attaché à Dieu, servir Dieu, glorifier Dieu, tu restes un impie. Donc, ton cœur est le cœur d'un impie, de quelqu'un qui pratique l'impiété. Donc, c'est le contraire de la piété. OK, donc, c'est ça que la Bible a vu des hommes pieux, des fois. C'est des hommes qui exercent la piété. La piété, c'est qu'ils sont attachés à Dieu, à son enseignement, puis ils servent Dieu. Donc, il dit que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, ici, les œuvres vont manifester si je suis un impie ou si je suis un pieux. Je suis avec Dieu ou si je suis sans Dieu. Si je me suis repenti et je me suis tourné vers Dieu pour le servir, lui, et le glorifier. Parce qu'on a souvenu au chapitre 1, il dit, ils ont refusé de glorifier Dieu et de lui rendre grâce. Donc, on revient à Dieu, on voit, et on dit, Seigneur, tu déclares digne de jugement et digne de ta colère ceux qui vivent sans toi, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ont commis l'idolâtrie, qui se sont détournés de Dieu, qui ont fait des idoles, je m'en repens et je me tourne vers toi et je me convertis à toi et je te sers, je vais servir à ta louange le restant de ma vie. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut le voir, qui est en train de dire, c'est pas ici mes œuvres d'obéissance aux 10 commandements ou de ma désobéissance aux 10 commandements. OK? Sans ça, c'est pas tout à fait... parce qu'il avait dit au verset 1, là, tu sais, tu connais les telles choses, ces choses-là, c'était ces œuvres-là dont il parle ici. Tu sais que Dieu condamne de telles choses, ceux qui font de telles choses. Donc, c'est l'impiété du chapitre 1 dont on parle, je crois. OK? Mm. Donc, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, je vais lire le verset 7 et 8 et 9 et 10. OK? Il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement et sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis le grec. Amen. Donc, encore une fois, il amène le grec et le juif ensemble. Et ici, il faut faire attention parce qu'on a tendance à penser qu'il va récompenser l'homme selon la vie qu'il fait. Fais une bonne vie, tu vas être béni. Tu fais une mauvaise vie, tu ne seras pas béni, tu vas être jugé et condamné à l'enfer. Par bonne vie, on entend capable de s'abstenir du péché et ceux qui font le péché. Donc, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Donc, il faut relier ça à tout notre chapitre 1 et le chapitre 2. Et ceux qui, par esprit de justice, sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Vous vous souvenez du chapitre 1? La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice de la part des hommes. Donc, c'est cette injustice de ne pas vouloir adorer Dieu et servir Dieu, rendre gloire à Dieu. C'est ça dont on parle. Donc, c'est pas... Et ceux qui savent que Dieu existe et qui disent qu'on devrait servir Dieu et qui ne le font pas, ils les mettent dans le même bain que ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas, comme les païens dont on va parler tout à l'heure. Mm-hmm. C'est, il est juste en train de dire tous ceux-là, juifs et grecs, le juif aurait pu dire, « Ouais, mais moi, j'ai la loi. On adore Dieu, on a un temple à Jérusalem, donc pourquoi tu nous mets avec les païens? » Mais il dit, « Vous êtes de ceux qui savent et qui condamnent, mais vous ne le faites pas. » Vous vous souvenez de la parole célèbre de Jésus quand il parlait aux Juifs? Ce peuple, m'honore des lèvres, et son corps est éloigné de moi. Hein? Ça, c'est le peuple juif. Tout au long de son histoire, souvent on voit que le temple fonctionne, les sacrifices fonctionnent, mais en même temps, le cœur n'est plus là. C'est... En même temps qu'il adore Dieu, dans des petites chambres secrètes du temple, il adore le serpent d'airain au temps de Moïse. Et il, toutes sortes, il adore la reine du ciel. Puis il y a toutes sortes d'idolâtries dans leurs petites affaires. En même temps qu'ils sont dans le temple. En même temps qu'ils sont dans... Ils ne sont pas vraiment attachés à Dieu en tant que Dieu unique dans leur vie. Donc, ils sont un peu... Ils maintiennent la routine, ils maintiennent la forme extérieure de la foi juive, mais en même temps, ils ne sont plus là du tout, du tout, du tout. Comme certains gens vont dire, on est des catholiques non pratiquants, comme si ça existerait des gens qui croient, mais qui ne sont pas pratiquants. Donc, c'est un petit peu comme ça que les juifs auraient peut-être pu dire, on est juifs, mais on est non pratiquants. Mm-hmm. J'ai rencontré des juifs avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai parlé, qui disaient, on est des juifs non pratiquants. Donc, dans tous les mouvements religieux, il y en a qui s'identifient à un mouvement religieux, mais qui ne sont pas pratiquants vraiment. Mm-hmm. OK, donc, ici, Dieu est en train de dire que toute personne qui vit pour Dieu, qui honore Dieu, qui veut glorifier Dieu, va recevoir honneur et gloire. Tous les autres qui ne pratiquent pas cela, qui ne vivent pas pour Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, mais les autres, c'est la tribulation et l'angoisse sur ces gens-là. OK? Donc, il faut bien penser que Paul ne s'adresse pas à des croyants et qu'il a tenté de leur dire d'essayer de vivre une bonne vie chrétienne. Tu sais, tu devrais vivre une bonne vie chrétienne, là, parce que si tu ne fais pas ça, là, ben, tu vas avoir des tribulations. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il veut juste emmener toute la race humaine sous la condamnation de Dieu, le péché. Il veut emmener tous les êtres humains à avoir le besoin de l'Évangile qu'il va parler. OK? Donc, c'est au chapitre 3. Car, au verset 11, devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. C'est ce qu'il avait dit, juif et grec. Pour Dieu, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Que tu sois noir, blanc, homme, femme, vieux, jeune, que tu sois né dans une religion quelconque, ça n'a pas d'importance. Pour Dieu, il y a juste un critère. Parce que quand il dit au verset, là, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ce n'est pas l'immortalité du corps ici qui essaie de vivre, mais c'est l'immortalité dans la présence de Dieu, d'être avec Dieu pour toujours. Okay, donc, il va accorder la vie éternelle à ceux qui veulent servir Dieu, qui veulent aimer Dieu, et qui veulent se donner à Dieu, qui veulent... Elles cherchent l'honneur qui vient... Parce qu'à la fin du chapitre, on ne l'a pas lu, je ne sais pas si on va se rendre là, mais à la fin du chapitre, il va dire, le juif, ce genre de juif-là, reçoit l'honneur de Dieu. Okay? Il va recevoir la gloire qui vient de Dieu. Donc, celui qui recherche l'honneur qui vient de Dieu, hein? Pas l'honneur qui vient des hommes, celui qui recherche l'honneur, la gloire, l'immortalité qui vient de Dieu, Dieu va lui donner la vie éternelle. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul il dit ailleurs, dans un autre langage. La louange de cet homme vient de Dieu et non pas des hommes. Donc, c'est important que je vois bien ça. Les gens autour de moi vont peut-être dire que c'est un homme religieux, c'est une bonne personne, c'est un bon gars, c'est une bonne fille, mais c'est pas ça que je veux. Je recherche à être reconnu par Dieu. Je me cherche à avoir l'approbation de Dieu. On veut Dieu. On veut Dieu, puis on veut que lui nous dise « T'es correct à mes yeux. T'es mon enfant. T'es, moi, je dis que t'es avec moi, t'es dans mon royaume. Moi, j'approuve la vie que tu fais maintenant. Pas qu'il approuve les péchés qu'on fait, mais la vie qu'on a décidé de prendre. On n'est plus des, comme il dit au verset 8, on n'est plus des rebelles à la vérité. On est maintenant obéissant à la vérité. On a un Dieu qui nous a créés et on est là pour lui, pour son honneur et pour sa gloire. OK? Oui. Au verset 12, Patrick, on va lire verset 12 et 13 peut-être. OK. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, voyez-vous, là, il rentre dans son sujet avec la loi. Okay? Donc, là, il va l'emmener de façon très précise. Au début, c'était « aux hommes », un petit peu plus vague, qui juge, qui condamne. Ben, si tu condamnes, tu es devenu inexcusable parce que tu fais la même chose. Puis là, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Donc, ceux qui n'ont pas eu la loi, ici, on est obligé de voir la loi, c'est la loi des Juifs, la loi qui a été donnée par Dieu. Tous ceux qui sont péchés sans la loi, vont périr sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, les deux, sans la loi ou avec la loi, vont être condamnés. T'en sors pas. Tu t'en sors pas, là. Donc, c'est les deux sont pareils. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Voyez-vous? Ce n'est pas ceux qui la connaissent et qui la proclament, qui la disent, qui s'en servent pour accuser les autres. Ce n'est pas ceux-là qui vont être justifiés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Donc, oui, ben, Daniel? Quand on lit ça, ceux qui la mettent en pratique, ça sonne comme « Ah, il faut obéir aux 10 commandements ». Oui. Mais la loi, c'est plus large que juste la loi des 10 commandements. Oui, il y a dedans ça. Même si on mettrait juste les 10 commandements, ben, je devrais dire, si ça résume ça, la loi, ben, je ne suis pas capable de la faire non plus. Okay? Je devrais être capable de dire, Dieu m'a demandé de les 10 commandements, puis je n'arrive pas à les faire. Je ne devrais pas essayer de me justifier à cause que je les connais par cœur, à cause que je peux les réciter par cœur, à cause que j'ai hésité de graver sur mon front, sur mon avant-bras, sur les portes de mes linteaux de mes maisons, en tant que juif avait. Ce n'est pas à cause que je les ai, que je les écoute ou que je les récite par cœur que je suis correct. C'est ceux qui les mettent en pratique. Oui, Daniel? J'avais eu une réflexion, c'est que, comme tu dis tantôt, la loi était plus large. Fait que dans la loi, avec Moïse, ben si tu péchais, ben là, ça disait de faire un sacrifice, tu sais. Oui. Oui, je crois que. Il se trouve dans le fond à mettre la loi en pratique dans un sens. Mais nous, quand on pêche, on confesse à Dieu. Là, c'est une réflexion que j'avais eue. Je me disais, ah, nous, quand on pêche, on confesse à Dieu. Oui. Je ne sais pas si. On va voir en s'en allant. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas capable de jamais briser un des commandements. On est constamment en train de les briser. Je me suis posé aussi la question par rapport à la loi. Est-ce que Paul ici entendait loi large, comme loi dans le plus large du sens pour les Juifs? J'ai pensé ça un peu, parce que je suis obligé de réduire, parce que il va dire un peu plus bas, quand le païen fait la loi, donc il ne va pas faire la loi de façon cérémonielle, parce qu'il ne la connaissait pas, puis il ne la faisait pas, mais il va parler surtout de la loi morale qui est écrite dans son cœur. OK? Donc, de cette loi qui dit, il y a un Dieu qui existe, je devrais l'adorer et le servir. C'est plus dans ce sens-là qu'il va parler que la loi plus large comme telle. Parce que là, il ne sera pas capable de... Parce que le païen pourrait dire, « Ouais, ben moi, la loi, je ne l'ai jamais eue, la loi de Moïse. Tu sais, je n'avais pas reçu, moi, la loi mosaïque qui a 5 volumes, le Pentateuque, je ne l'avais pas. Donc, comment Dieu ne peut pas me condamner parce que je ne l'ai pas faite, je ne l'avais pas. » Mais on va voir qu'il dit, quand le païen fait naturellement la loi, donc, il y a quelque part, là, il y a quelque chose qui... Il rapetisse la loi au côté plutôt moral. Je pense qu'on pourrait dire ce que Jésus a dit. Je résume la loi en deux choses. Tu aimes ton Dieu, tu aimes ton prochain. Dans ce sens-là, là, aimes-tu ton Dieu? Si tu as un Dieu, tu le sers-tu? Tu vis-tu pour lui? Ben oui, il y a un Dieu, mais non, je ne vis pas pour lui vraiment. Quand j'en ai besoin, je lui parle. Là. Donc, tu n'es pas vraiment correct avec toi-même. Tu n'es pas vraiment honnête en faisant cela. Parce que tu dis que tu as un Dieu, mais tu vis comme si tu n'avais pas de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que peut-être que Paul... vous allez voir avec moi, d'ailleurs, en s'en allant, que si on met le mot « loi » trop large, quand on va arriver un peu plus bas dans les versets, ça ne fera plus de sens. Parce qu'il va parler du païen, que la loi écrit dans son cœur, qui fait naturellement ce que la loi dit. Donc, parce que la loi, dans tout son ensemble, mosaïque, était pour m'emmener à penser « aime ton Dieu, aime ton prochain ». Ça devait m'emmener là, dans cette direction-là, jusqu'à certains points. OK? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent. OK. Quand, là, on est rendu au verset 14, c'était qui à la lire? Mais Isabelle, je pense qu'elle n'a pas lu, c'est un petit bout de temps. Oui, Isabelle, vas-y donc, verset 14. Verset 14. 14 et 15, mettons. OK. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusent ou se défendant tour à tour. OK. Donc, voyez-vous ici, il parle de ce païen. Quand les païens, parce que tout à l'heure, il parlait des Juifs, OK? Donc, il dit quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi. Là, tu te poses la question, mais est-ce que les païens font? Mais ce sont ceux qui la mettent en... parce que la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Comment vous voyez ça? Parce que là, ils parlent du panier qui n'a pas la loi, mais qui fait naturellement la loi. Ça veut dire quoi, cela? C'est quoi cette histoire-là? Parce que on dit, est-ce que les païens sont de meilleures personnes que les Juifs? Comment vous voyez ça, ce texte-là? Un peu comme tu disais tantôt, là, c'est la morale, un peu la loi morale. On sait que mentir ou voler, on le sait en dedans de nous autres que ce n'est pas correct. OK. Donc, m'amenait dans une direction un peu. Parce que ce qui fait le lien ici, c'est que le païen a quelque chose qui équivaut à un certain point à la loi, c'est sa conscience. La conscience, oui. OK? Donc, il dit, sa conscience lui rend témoignage que leur pensée... Et leur pensée s'accuse ou se défend tour à tour. C'est comme si la conscience joue un peu le rôle comme la loi fait. La loi te dit c'est bien, c'est mal, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas adorer d'autres dieux, tu devrais pas si, tu devrais avoir juste un dieu, tu devrais servir Dieu. Puis il dit sa conscience, est-ce que la conscience humaine fait ça aussi? Comment vous voyez ça? Est-ce que la conscience. Il dit la conscience me défend et m'accuse. Quel est le rôle de cette conscience-là, dans le fond, chez les païens? Mais Dieu, il n'y a pas un... Je pense que Dieu a mis la conscience dans l'être humain, justement, mm-hmm. pour... je pense que ça fait ça. Là, c'est... Mais c'est... J'aime bien m'exprimer, là, parce qu'il y a des textes qui disent que la conscience est obscurcie, est endormie, elle n'est plus bonne, là, il n'écoute plus. Mm-hmm. Là, il y a d'autres textes qui disent, bon, ta conscience t'accuse, tout ça, donc tu devrais l'écouter, mm-hmm. on ne passe pas mm-hmm. dessus, tout ça. Fait que... donc, mais c'est ça, les Juifs, ils ont pas la loi. Les Juifs ont la loi, ils ont les textes, les païens n'ont pas les textes, donc ils ont leur conscience, tout comme les Juifs, par contre, mais la conscience mm-hmm. va te dire, justement, quand tu fais le mal, peut-être pas tout le mal, parce que tu ne connais pas tout, parce qu'on est des pécheurs, mais il va t'accuser, comme que Isabelle a dit, si tu fais le mal, si tu mens, si tu tues, si tu désobéis, peut-être tu peux aller plus loin dans le sens de dire tout, tu sembles dire, ta conscience va t'amener jusqu'au point, je pense que je ne sais pas si c'est Paul qui dit ça, que Dieu existe, dans ce sens-là. Oui, oui. L'existence de Dieu. Mm-hmm. Donc, Si c'est lui qui n'écoute pas la loi hein, est condamné par la loi. Celui qui n'écoute pas sa conscience va être condamné aussi. Parce que Dieu lui a donné. Parce qu'il y a eu des millénaires avant la loi. Mm-hmm. Donc, l'être humain avait une conscience avant que la loi arrive. Ouais. Donc, c'est que le Juif, lui, s'appuie sur la loi, pour essayer de montrer qu'il est meilleur, puis qu'il est correct, puis qu'il y a la loi de Dieu. mais il dit, tu ne le mets pas en pratique, donc tu es condamnable. Le païen, lui, il va dire, bon, on n'est pas des si mauvaises personnes, on essaie de faire le bien, je ne sais pas. Sa conscience l'accuse, mais ce n'est pas juste au niveau de ses actions, mais aussi au niveau de sa réaction envers Dieu. Est-ce que vous pensez que l'être humain, sa conscience lui dit qu'il devait vivre pour Dieu, qu'il ne fait pas? Est-ce qu'il désobéit à Dieu, mais est-ce qu'il a rejeté ce Dieu-là? Si l'être humain voit, comme on a vu au chapitre 1, que Dieu existe, il voit que la puissance éternelle, quand il regarde les œuvres de Dieu et qu'il voit sa divinité, il sait, mais il l'a ouvertement rejeté et il s'est fait des dieux à son image pour se faire servir. Est-ce que sa conscience lui rend aussi témoignage de cela? Qu'il a rejeté son Dieu, il a marché contre son Dieu, il est devenu ennemi de son Dieu. Ce n'est pas juste le côté moral. Oui, je crois que la conscience me donne un sentiment de culpabilité quand je fais du mal à autrui. Mais j'essaie de voir que ce soit pratique. Les gens à qui je parle, qui ont une conscience, ils vont me dire des fois, ben, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour savoir que c'est mal. Mm-hmm. Okay? Ouais. Donc, ils vont vouloir s'appuyer sur leur conscience pour justifier leur... parce que quand ils disent, là, ils font naturellement ce que prescrit la loi, des fois, ils vont faire des gestes qui sont valables devant le païen. Devant son voisin, il peut faire des gestes acceptables. Mais ce qui va juste... Comment choisir ça? Ce qui va... nécessiter l'Évangile, c'est mon rejet de Dieu. Donc, le païen va se justifier en disant « ma conscience... » Mais des fois, je vais dire aux gens... Est-ce que tu l'écoutes, ta conscience? Tu dis que ta conscience, tu n'as pas besoin d'avoir une religion, mais est-ce que tu fais toujours ce que ta conscience dit? Mais j'ai dit, des fois, j'essaie de les amener plus loin. Est-ce que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que tu rejettes? Est-ce que ton être intérieur ne te dit pas qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que ton être intérieur, puis ça fait partie de ta conscience, de ton être intérieur, ne te dit pas qu'il y a un Dieu qui existe? Et tu n'agis pas selon ça? Parce que la conscience n'est pas juste là pour me dire que prendre le 5$ de ma mère dans ses poches, ce n'est pas correct. Mm. OK? Ce n'est pas juste ça son utilité. Je crois que son utilité première, c'était de me faire réaliser que je rejetais mon Dieu. La première réaction de l'homme et de la femme dans le paradis qu'on a vu ensemble, quand ils ont péché, la première réaction, c'est leur conscience leur a dit qu'ils n'avaient pas bien agi envers Dieu. Oui, mais sauf qu'il le connaissait. Il avait cette base-là. Il avait parlé avec lui. Il l'avait vu. Il le connaissait. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont même pas élevés dans la religion. Tu leur parles de Jésus. Ils peuvent aussi bien dire, de qui tu parles? Oui. Dieu, c'est qui ça? T'sais? Mm-hmm. Donc, quand tu dis... leur conscience devrait leur témoigner ou leur témoigne-t-elle qu'on doit servir Dieu, qu'on a rejeté Dieu. Je pense que ça est tellement obscurci qu'ils disent Dieu c'est qui, tu sais. OK. Je ne dirais pas que leur conscience leur dit que le Dieu d'Israël, Jéhovah, existe. OK? Dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est que la majorité des êtres humains se tourne vers un Dieu quelconque. Ouais. Donc, ils sont conscients qu'il y a une divinité quelque part ou ils veulent s'en donner une divinité à quelque part. C'est ce que l'apôtre Paul a commencé au chapitre 1. C'est visible comme à l'œil nu. Ouais. Quand on considère ses œuvres, ils sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas adoré ou servi ce Dieu-là. Ils ont vu la puissance éternelle de Dieu. Ils ont vu qu'il y avait un être divin qui existait. Au lieu de se tourner vers lui pour le servir, ils se sont tournés vers lui pour se faire servir. Ouais, c'est ça. Okay, donc, leur conscience leur rend témoignage que c'est mal d'avoir fait cela. C'est ce que j'essayais d'expliquer à ma fille les dernières semaines que j'ai parlé avec elle. J'ai dit, on souffre spirituellement parce qu'on a rejeté Dieu. Mais la société ne nous dit pas que c'est une souffrance spirituelle. Elle va nous dire, c'est le mal de l'âme, c'est ceci, c'est ça, ça. Elle va nous dire toutes sortes d'affaires. Mais il y a une souffrance qui vient du fait qu'on a rejeté Dieu. On sait qu'il y a quelque chose de pas correct. C'est pour ça que l'être humain, je crois personnellement, s'invente un Dieu. Il se fait un poteau. Il prend un bout de bois, puis il taille. Il se met à genoux devant, puis il prie. Il sait qu'il y a une divinité. Mais quelle est donc sa réaction devant cette divinité-là? Il la rejette complètement à certaines fois. D'autres fois, ils vont essayer de l'utiliser pour se faire servir par cette divinité-là. J'ai déjà demandé à des inconvertis, c'est-tu plus péché de désobéir à Dieu que de voir Dieu comme un serviteur? Parce que des fois, tu le pries, mais tu le vois comme un serviteur. Donc, c'est peut-être aussi péché et même pire que juste désobéir à ce Dieu-là. Donc, ici, je crois que Paul, je vous ai dit, là, quand on avait fait la première, il va nous présenter le problème. Si on ne comprend pas bien le problème, on ne comprendra pas bien la solution. Nous, on comprend, on a vu aussi la solution dans le sens qu'on connaît l'Évangile, on connaît ce que Jésus est venu faire, ça devrait nous aider un petit peu à comprendre le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on désobéit moralement des fois à Dieu. Le problème, c'est qu'on a rejeté Dieu. OK? On n'a pas voulu glorifier Dieu comme notre Créateur, notre Seigneur. On n'a pas voulu lui rendre grâce. Ça, c'est le problème. OK? L'Évangile va venir changer ça. Donc, quand on met trop d'emphase sur le comportement, on voit l'Évangile comme une solution sociale qui va améliorer la vie des gens, qui va faire de nous des gens meilleurs, qui va être capable d'être plus aimer ses semblables, d'être plus généreux avec nos semblables, de faire du bien, de faire du bénévolat, de donner des argents. Parce qu'on a vu l'Évangile comme une solution au problème moral des êtres humains quand l'Évangile vient résoudre le problème de l'idolâtrie. Premièrement, les problèmes d'idolâtrie ont entraîné une dégénération, une dégénérance, en tout cas, amener l'être humain à dégénérer, à devenir amoral de plus en plus, parce qu'il est un idolâtre en partant. Si l'être humain aurait resté attaché à son Dieu, ben on n'aurait pas un problème de moralité, on n'aurait pas de problèmes sociaux qu'on a. Et je crois qu'ici, c'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Que tu sois sous la loi ou avec la loi, ou que tu sois sans la loi, tu es quelqu'un qui était au chapitre 1. Lève pas la main avec la loi et dire « Moi, je suis correct parce que j'ai la loi maintenant. » Comme on a des gens que vous connaissez peut-être qui ont vécu leur vie de façon très irreligieuse et à un moment donné dans leur vie, vont se convertir à une religion quelconque. Comme on a quelques jeunes Québécois, là, ça semble être des jeunes, qui se convertissent à l'islam. Ils n'ont jamais été pratiquants d'aucune religion, mais ils vont se convertir à l'islam et là, ils vont croire qu'ils sont corrects. OK? Et là, ils vont proclamer l'islam comme la vraie religion. Ils ne seront pas capables de mettre en pratique l'islamisme ou l'islam. peu importe la religion à laquelle ils vont se convertir, s'ils sont honnêtes et francs, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas capables de mettre en pratique la religion qu'ils disent être la bonne. Et le païen qui rejette toutes les religions parce qu'il a rejeté Dieu, ben, lui-même n'est pas capable d'observer ses propres codes moraux, de ses propres codes à lui, il n'est pas capable. Mais moi, quand j'avais 16 ans, j'ai rejeté ouvertement, en sortant du séminaire, j'ai rejeté ouvertement Dieu. Carrément, ouvertement, verbalement, j'ai rejeté l'existence de Dieu. Pour moi, Dieu n'existait plus. C'était pas vrai, c'était faux. Et donc, mais ma conscience me culpabilisait parce qu'à tout bout de champ, j'y parlais même si je ne croyais pas qu'il existait. Oui, c'est ça. Je disais, si tu existes, là, mais pas, tu as dit qu'il n'existait pas, pourquoi tu parles à lui? C'est que tu n'es pas si sûr que ça qu'il n'existe pas. Hein? Parce que sans ça, tu dirais, je l'ai rejeté, il n'existe pas, donc je ne parle plus jamais. Donc, c'est fini. Si je m'adresse à quelqu'un que je dis qu'il n'existe pas, ben, on me déclarait un peu fou. On me déclarait un peu fou. Mm-hmm. Donc, voyez-vous, c'est ce que je crois qui est en train de vouloir dire. Là. Tu as une loi, tu juges, tu condamnes, tu te condamnes toi aussi. Tu as une conscience, mais tu ne l'écoutes pas non plus. Tu as une loi à l'intérieur de toi qui te dit qu'il y a un Dieu qui existe et que tu devrais faire les choses que, selon l'enseignement de ce Dieu-là, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Quelle heure est-il? Moins 10. OK. On va voir le verset 17. On va commencer à voir. Là, il va mettre une emphase avec le juif. Toi qui te donnes le nom de juif. OK. Là, il va directement parler aux juifs, là, de façon très explicite, je dirais. Daniel, veux-tu lire le verset? Bon, on pourrait aller, ça va jusqu'à la fin. Lis le verset 17-18, mettons, là, pour commencer. Ouais. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Donc ici, il dit, toi qui te donnes le nom de juif. Vous savez que le mot juif, d'où ça vient, le mot juif? N'as-tu qui se souviennent? Parce que avant Abraham n'était pas juif. Il n'était pas une race, là, tu sais. D'où ça vient, ce terme-là, juif, là? Mais j'essaie de m'en souvenir. Je sais que le mot Israël, ça veut dire Dieu, là, qui a combattu avec Dieu, là. Quand il a dit à Jacob, tu vas t'appeler Israël parce que tu as combattu avec Dieu, tu as gagné, là. Le mot juif, je crois que c'est le nom d'un peuple, c'était le nom de ceux qui adorent Dieu. C'était, en tout cas, je vais essayer de le retrouver la semaine prochaine, là. J'ai déjà cherché d'où ça venait le mot juif, parce que nous, on dit que c'était les Juifs, Israël, l'un que c'est la foi, puis l'autre c'est les Juifs. Le Juif, ça représente sa foi, puis l'Israélite, ça représente sa race. Je suis un Israélite, je suis de la race. C'est-tu le mot Juif qui est ma race ou je suis un Israélite? Je vais essayer de me retrouver là-dedans. Là. Je l'ai déjà su pourtemps, puis là, ça m'échappe. Là. Mais c'est parce que c'est important, parce qu'à la fin, il va dire, tu te donnes le nom de juif, mais tu n'en es pas un. Il dit, le vrai juif, c'est quelqu'un d'autre. Ça va être important qu'on comprenne ça pour comprendre le restant de l'épître. Mm-hmm. Parce qu'il va dire, il y a des juifs qui sont... Il y a des gens qui se disent juifs, mais qui ne sont pas. Mm-hmm. les Juifs que Dieu veut, c'est ceux qui sont circoncis dans le cœur. Donc, on voit que c'est plus du côté de la foi, c'est plus du côté de la croyance, le mot « juif », là, que du côté de la race. Parce que tu te dis que tu es un juif parce que tu es circoncis dans la chair? Non. Le vrai juif est circoncis dans le cœur. Donc, la circoncision avait commencé et on s'est fait circoncis pour démontrer qu'on appartenait au peuple de Dieu, qu'on était attaché au Dieu d'Israël, ou au Dieu de Jéhovah, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, la circoncision démontrait que tu appartenais à Dieu. Il dit, tu te dis juif à cause que tu es circoncis, que tu as la loi? Faux. C'est pas vrai. C'est un autre genre de juif que je veux. OK? Quand je regarde ça, à partir du verset 17, un petit peu plus loin, je me pose la question, si Paul ne s'est pas basé sur sa vie avant pour dire « tu te dis », parce que lui, il était comme ça. Fait qu'il dit « moi, je pensais de même », puis les autres sont pareils. Je suis convaincu que dans sa tête, à lui, il est facilement capable de s'identifier avec les Juifs, qui mettait tout son espoir dans le fait qu'il était juif, qu'il avait la loi et qu'il était circoncis et qu'il était de la race, de la tribu de Benjamin. Et, ouais, c'est ça. Donc, automatiquement, je mettais tout mon espoir là-dedans. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc, il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, le Dieu d'Israël, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Tu te pètes les bretelles, OK? Tu te que t'es juif. Tu te pètes les bretelles, là, tu dis, je suis un juif, moi, là. Hein? Ouais. Donc, je me souviens quand j'étais allé voir des juifs dans mes cours avec Sam Beck à Montréal, c'est ce qu'on me disait. Hey, je suis un juif, moi, là. Je fais partie du peuple de Dieu. Puis le plus important pour ma fille ou mon garçon, c'est qu'il va marier aussi un juif. S'il marie un juif, ils sont corrects devant Dieu. Donc, vois-tu, donc, il se faisait toute une gloire d'avoir la loi, d'avoir été circoncis, d'avoir été choisi par Dieu. Et ça les mettait à part de cette façon-là. Puis Dieu, il dit non, vous vous trompez. Il dit au verset 19, « Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, toi qui dis que tu es la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, tu es le docteur des insensés, parce que les insensés, c'est ceux qui n'avaient pas la loi, tu es le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Mais tu t'appuies sur l'extérieur. Tu t'appuies sur ta pratique religieuse. Tu t'appuies sur la connaissance que tu as. Mais Dieu dit que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Comme on pourrait dire, nous autres, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, quelqu'un pourrait lire la Bible, connaître la Bible, aller à l'église, réciter des versets par cœur, tout cela. Mais Dieu dit que ce n'est pas suffisant. Si ton cœur n'a pas été régénéré, si je n'ai pas transformé ton être intérieur, tu t'appuies sur le fait que tu es dans une église baptiste ou une église je ne sais pas quoi, mais ça ne vaut pas Saint-Saëns. S'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été changé. On sait qu'il y en a qui vont s'appuyer sur le fait qu'ils sont dans une église évangélique. Je suis un chrétien évangélique, je connais. On entend ça souvent aux États-Unis. Je suis né nouveau, je suis un évangélique. C'est important, c'est est-ce que j'ai eu une transformation intérieure? Est-ce que je suis vraiment à cela? Donc, la semaine prochaine, on va revenir à cela. On va recommencer à l'entour du verset 17. On leur lira. Oui, puis toi qui te dis juif, si on résume notre pensée d'asseoir, ce n'est pas ceux qui disent. Ce n'est pas ceux qui connaissent, ce n'est pas ceux qui condamnent, que Dieu va accepter, que Dieu va leur donner la vie éternelle, mais c'est ceux qui mettent en pratique les vérités. Ceux qui voient qu'il y a un être divin, un être qui a un créateur, qui a un Dieu, et qui agissent en conséquence. J'ai un Dieu, je devrais le servir. Mon garçon, qui n'est pas croyant, m'avait demandé un jour, « Pourquoi pas je devrais servir Dieu? » Je dis, « Parce qu'il est Dieu. Il est mon créateur. Il n'y a pas d'autre raison que ça, là. Il est Dieu. Si tu reconnais qu'il est Dieu, qu'il est ton Dieu, ben tu devrais tout de suite te tourner vers lui et dire, « Mais tu veux quoi, là? Tu veux que je fasse quoi pour toi, là? » Tu sais, c'est... Mais au lieu de ça, tu es devenu un ingrat, tu l'as rejeté, tu veux te faire servir par lui, tout simplement, quand ça va mal. Donc, c'est un acte d'ingratitude, de rébellion contre Dieu qui t'a créé. OK? Donc, on continue ça la semaine prochaine. Et on essaie de voir que on était là, nous. Nous, on était là avant là, de devenir croyants. On était parmi ces gens-là. Dieu dit à François, quand tu étais au séminaire en train d'étudier pour devenir un homme de religion, tu n'étais pas mieux, puis pas pire. Quand tu en es sorti, tu es devenu athée, tu étais contre moi les deux fois. Tu n'étais pas avec moi les deux fois. Là. Et c'est... Tu m'as blâmé, mais c'était toi le coupable. C'est toi qui l'existence de merde dans laquelle tu étais, mais tu en étais le responsable. Ce n'était pas moi qui avait fait la chose. Donc, on va terminer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on se voit. On se voit parce que tu nous as ouvert les yeux, bien entendu. On se voit parce que tu nous as donné la nature, tu nous as donné une conscience. Certains d'entre nous, tu nous avais donné la Bible, tu nous avais donné des gens qui nous ont dit que Dieu existait. Mais on n'était pas prêts, on ne voulait pas te servir. On ne voulait pas te glorifier. On ne voulait pas te traiter comme étant notre Dieu. On ne se courbait pas devant toi pour te dire « Que veux-tu que je fasse pour toi, mon Dieu? » Mais on voulait profiter de la vie que tu nous avais donnée pour satisfaire nos propres désirs et nos propres folies. Donc, merci de nous avoir conduits vers l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen.